Vous le savez, dans leur nature, chaque week-end sur France Bleu, nous partons en l'aventure, en quelque sorte, mais avec un guide exceptionnel, puisqu'il s'agit du guide balado. Tout est dit quand on dit ça. Bonjour Jean-Michel Maman. Bonjour Sophie. Vous êtes le directeur éditorial du guide balado. Tout à fait. Et vous avez des mines de bonnes idées à nous proposer. On va en choisir une pour aujourd'hui. Une sur les 8500 qu'on nous propose. Voilà. C'est une sortie familiale, on va dire. Nous partons à Blot-l'Église, dans le Puy-de-Dôme. À la rencontre des poneys bleus. En plein cœur de l'Auvergne. Pas très très loin de Clermont-Ferrand, une petite cinquantaine de kilomètres. Pourquoi ça s'appelle le poney bleu? C'est pour être raccord avec France Bleu? Ça doit être ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette balade. C'est parce que dès qu'on arrive, les poneys sont logotés France Bleu. Très bien. Alors, je pense que c'est simplement une subtile harmonie. C'est... Non, à vrai dire, le choix des couleurs qui est important dans cette ferme, parce que c'est ce qui frappe immédiatement lorsqu'on arrive, c'est qu'on se retrouve face à des poneys aux robes unies, tachetées ou mouchetées. Les nuances les plus subtiles sont là, donc toute cette appellation. Alors on sait que les poneys sont plutôt doux de caractère et ça tombe bien puisque c'est un centre équestre ouvert notamment aux enfants. Alors voilà, on accueille des enfants à partir de 18 mois et plus, donc on peut vraiment y aller avec ses bambins. Et là, on fait connaissance avec son poney et on va à la rencontre des combrailles. Une belle région en tout cas. C'est une très belle région, donc il y a des touches de couleurs dans une verdure environnante. Pour les enfants, c'est une balade à poney si le gabarit le permet, ou à cheval à travers la campagne. C'est vraiment un enchantement, hein. C'est une très très chouette balade. Les enfants ne sont pas laissés tout seuls, j'imagine, avec le poney, on est guidé. Alors on est guidé, on peut aussi soi-même en tant que parent tranquillement accompagner le poney de son bambin pour une balade en main. Donc c'est une petite balade tranquille. S'il se sent assez à l'aise, il va trotter tout seul. Mais les promenades sont encadrées par Pénélope, qui donc dirige ce centre équestre. Disons qu'elle s'occupe de tout l'aspect sécurité et sérénité qui vont de pair, hein, pour que tout se passe vraiment très très bien. Et ça se passe toujours très bien, dans une parfaite harmonie. Donc il y a des parcours définis ? Pas vraiment. Elle propose différents petits circuits, mais c'est vraiment... on se promène un peu librement au cœur des combrailles et on s'arrête au rythme du poney, puis aussi peut-être un peu de l'envie des enfants. C'est ouvert tous les jours, Jean-Michel ? Alors, c'est ouvert toute l'année. On réserve, mais c'est ouvert tous les jours de 9h à 19h. Il est toujours préférable de réserver à l'avance. Est-ce que c'est cher ? Pas vraiment. Le baby poney, c'est à partir de seulement 12 euros. Et le poney est à 27 euros pour la demi-journée, donc c'est pas très très cher. Voilà, si on ne parle pas en vacances, on peut en profiter pour faire une petite escapade et détendre les petits bouts de choux en leur faisant vivre beaucoup d'aventures. Absolument, et puis en soi, ça fait aussi partie des vacances. Alors Jean-Michel, on peut retrouver cette chronique en podcast sur francebleu.com. On peut retrouver les éléments de tout ce que vous venez de dire dans le guide balado. Absolument. Et sur le site internet. Sur le site www.balado.fr. Je propose de revenir la semaine prochaine. Bonne balade à tous d'ici là.